famille, mes vrais frères, mon rap d'affamé, féroce, contre l'état, son infamie. Trois joints d'extase éphémère, un infime espoir de vie fameuse. En attendant, je crois que les trois fumeurs, où ça parle coup fumant en infomane, où je suis posé avec ma fumeuse. Au fond de moi, un soupçon d'amour, mais dans le cœur, c'est énervant, mind fermante pour vivre, faut que je kiffe à mort. Résultat, trip hardcore, pulsion infernale, je veux des trucs de fou, parce que même dehors, je me sens enfermé. Heureusement que j'ai la foi, qui me rappelle que je peux cramer en enfer. Les années filent, chaque seconde qui s'écoule, j'utilise pour faire mieux, pourtant je crois plus au formidable. Fièrement, j'avance hors format, soldat sans uniforme, mais avec une armure en béton armé. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Car on y tient, tout pour les miens, on se maintient, comme on peut pas quand on veut peu de choses, mais principal, le primordial. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Je pourrais te causer du tort, genre il manque une case, ne m'abandonne pas l'occasion. Déjà trop de coups que j'encaisse, déjà trop de coups que j'encaisse. Ce qui me reste, ma famille dont je vais être fier. Mes potes, mon rap, l'essentiel, tu gardes, t'es obligé de réussir. Pas le choix, ton poids sur moi, ça fourmille d'idées dans ma cabeça. Pour être clair, je vais être dans le dictionnaire. Pas nécessaire de tout se dire si on se comprend. Quand je baisse la pression, je maintiens l'attention. Pas de bras droit, de gros doigts, faut que je baisse ça. J'ai perdu mon innocence et ma joie de vivre. Car la vie nous lance des épreuves et nous prive. Toujours l'esprit qu'on teste à terre, sans me l'a pas enlevé. Les pieds sur terre, mais j'ai pas mis mes rêves de côté. T'as sur qui vraiment compter. Chaque jour on doit t'affronter, faire preuve de bonté. Le vrai combat c'est de lutter pour les siens, en priorité dans ce monde de chiens qui va péter. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Car on y tient, tout pour les miens, on se maintient, comme on peut pas quand on veut peu de choses, mais principal, le primordial. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Je pourrais te causer du tort, genre il manque une case, ne m'abandonne pas l'occasion. Déjà trop de coups que j'encaisse, déjà trop de. Je me casse le dos pour conserver un petit confort. Dans un monde où on te respecte à la taille du coffre-fort. Je possède une richesse intérieure, tel le condor, je vais aller haut. Sans plomber le cafarnaum, putain j'ai tout le temps le cafard. Quoi faire ? Aucun insecticide, heureusement lucide. Je me confie instinctivement dans l'écriture, c'est plus amusant qu'un kiff. J'ai la dalle, y'a que des coups de fin. Je traîne ma ligne de conduite du couvent aux cercueils. J'ai perdu tout lucide, au Real Inca pour faire une pierre de coup on trucide. On verra ce qu'il y a plus tard, pour l'instant on voit ce qu'on a. Les gars, dans ce décor ça t'a en moins d'autres plus. Ce qu'on t'explique dans l'opus, c'est ce qui nous reste. Ils disent que je fous mon aide comme si j'étais sous l'aise. Pas le temps passé, car on fait que le traverser. Pour mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, c'est quelques versets. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Car on y tient, tout pour les miens, on se maintient, comme on peut pas quand on veut peu de choses, mais le principal, le primordial. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Je pourrais te causer du tort, genre il manque une case, ne m'abandonne pas l'occasion. Déjà trop de coups que j'encaisse, déjà trop de coups que j'encaisse. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Car on y tient, tout pour les miens, on se maintient, comme on peut pas quand on veut peu de choses, mais le principal, le primordial. Peu de choses qui nous restent, on s'y accroche, n'y touche pas. Je pourrais te causer du tort, genre il manque une case, ne m'abandonne pas l'occasion. Déjà trop de coups que j'encaisse, déjà trop de coups que j'encaisse. Le vrai combat.